Le comité suisse-coréen et le comité suisse d'études de Zé du Tutsé ont publié le 3 juillet une déclaration commune contre les États-Unis et leurs laquais qui se démènent à créer l'atmosphère de sanctions et de pression à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.